besoin qui me hante. Quand pendant à peine quelques heures, je ne sens plus battre ton cœur. Je me perds dans tes bras, je me retrouve sur tes lèvres. Je ne suis vraiment moi que lorsque contre toi tu me sers. Je pourrais m'évader des jours, des années dans le bleu de tes yeux qui m'ont envoûté. Ta présence, ton souffle, tes baisers, ta bouche. Toi ma dépendance, nous deux, et sera ma plus grande chance. J'ai trouvé en toi ce que j'ai toujours recherché. Mon port d'attache, mon étoile, avec toi je sais où je vais. Facile à dire qu'à faire, comment te dire que tu es ma lumière, t'expliquer, te faire comprendre que je n'ai pas envie d'attendre pour être sincère. Tu es si secret, n'avoueras jamais cette touche de mystère en toi, je n'y résiste pas. Cette passion fusionnelle, l'amour me donne des ailes. Je vois la vie en rose, nos deux cœurs en osmose. Tu m'acceptes comme je suis, moi je t'aime comme tu es. Et je rêve de la nuit où tu dormiras à mes côtés. J'ai trouvé en toi ce que j'ai toujours recherché. Mon port d'attache, mon étoile, avec toi je sais où je vais. Plus facile à dire qu'à faire, comment te dire que tu es ma lumière. T'expliquer, te faire comprendre que je n'ai pas envie d'attendre. Simplement t'avouer ce que je ressens. Tends bien l'oreille car c'est pas tous les jours. Tout simplement demain je me dévoilerai. Je t'aime. Je t'aime.